بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, nous sommes toujours dans le chapitre donc de que le cheikh il a intitulé رحمه الله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. Donc celui qui recherche la baraka d'un arbre, d'une pierre ou d'une autre chose. On avait vu au début du chapitre que le Shir il a cité en premier lieu le verset de Surat Al-Najm, et comment et par quoi les mushrikin du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh et les autres tribus, de quelle manière ils ont recherché la baraka de leurs idoles en leur donnant l'adoration. Donc, c'est le sarf al-ibada li ghayrillah. Ça, c'est la réalité du shirk akbar. C'est-à-dire donner l'adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala en espérant sa baraka, son intercession, etc. Comme c'est bien connu, comme c'est clair dans le Coran, la croyance des mushrikin de cette époque-là. Donc ça, le shirk akbar dans ce sujet-là, il est clair. Ensuite, le shirk, il cite un autre texte, par contre, celui-ci de la sunna, donc le fameux hadith qu'on intitule « Hadith Zat Anwat ». Donc le shirk rapporte « An Abi Waqid al-Laythi, radiyallahu an, qal, kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn, wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin. وللمشركين سدرة يحكفون ويعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وقال صلى الله عليه وسلم لا تركبن سنن وسنن من كان قبلكم رواه الإمام الترمذي وصحها. Donc le hadith, le deuxième texte que le shir cite dans ce chapitre là, le fameux hadith de Zat Anwat. Donc qui est rapporté par un compagnon qui s'appelle Abi Waqid al-Laythi. Abi Waqid al-Laythi qui dit « Nous sommes sortis avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn. » Donc pour combattre, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la prise de la Mecque, il est parti combattre Hawazin à Hunayn. Et donc Abi Waqid dit « Wa nahnu » donc qui vise lui et d'autres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam hudatha ou ahadin bi kufr, nous étions nouveaux en islam, nous venions à peine de quitter la mécréance puisque c'est des gens pour la plupart qui étaient rentrés, ou ceux qui ont demandé ceci au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens qui sont rentrés en islam lors de la prise de Mecca, Fath Mecca, donc c'est un islam récent. On peut dire les deux choses, on peut dire nahnu hudatha ou ahdin bi kufr ou bi islam. Les deux se disent. Soit le sens, soit on venait juste de rentrer en islam, soit on venait juste de quitter la mécréance. Le sens c'est le même. Et les mushrikin avaient un arbre autour duquel ou auprès duquel ils stationnaient, c'est-à-dire qu'ils restaient auprès de cet arbre-là. Mais comme on verra, c'est-à-dire par glorification de cet arbre-là. Et ils y accrochaient leurs armes pour rechercher la bénédiction, en recherchant la bénédiction de l'arbre, donc pour bénir leurs armes, pour que leurs armes soient bénies et que ça les aide dans le combat contre leurs ennemis. Et l'arbre, il était appelé Zat Anwat. Zat Anwat parce que on y accrochait beaucoup, beaucoup d'armes. Et ils sont passés, il dit, nous sommes passés auprès de l'arbre. Et nous avons dit à l'envoyé d'Allah, ô envoyé d'Allah, désigne-nous un arbre semblable à leur arbre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est écrié Allahu Akbar, il a fait le takbir. Ceci est la voie innaha sunan. La voie, ce que vous a demandé est la voie par celui qui détient mon âme dans sa main. Où vous avez dit la même chose qu'ont dit les enfants d'Israël à qui à Moussa lorsqu'ils ont dit « Désigne-nous une divinité comme eux, ils ont une divinité. » Moussa leur a dit « Innakum qawmun tajhalun » « Vous êtes un peuple ignorant, d'ignorants. » Et vous allez suivre la tarakabunna, vous allez suivre le chemin ou les voies de ceux d'avant vous. Ça, donc le hadith il est rapporté par, entre autres, l'imam Tirmidhi et il l'a rendu sahih. Il dit que c'est un hadith qui est sahih. Avant de rentrer dans l'explication du hadith, on sait que ce hadith-là, il constitue un des piliers dans l'argumentation de certaines personnes aujourd'hui, même de la majorité des gens, dans le fameux sujet de l'excuse de l'ignorance, ce qu'on appelle l'udr bil jahl, c'est-à-dire l'excuse dans l'ignorance, le fait d'excuser les mushrikin par leur ignorance. Quand on dit excuser ici les mushrikin, on vise le fait de les considérer comme des musulmans, comme des muslimin. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui s'attribuent à l'islam. Muntasibin il est l'islam. Il s'attribue à l'islam, il prononce les deux shahada, il prie, il jeûne et d'autres actes de l'islam, mais il commet certaines choses qui sont des annulants, entre autres le shirk. Commettre des choses qui sont des annulants et en premier lieu le shirk, donc des choses qui annulent l'islam, soit par les actes, soit par la parole. On parle pas par la croyance aussi, mais on ne parle pas dans la croyance dans le sens où la croyance est quelque chose qui est entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Et on nous a demandé de s'occuper des paroles et des actes. Et c'est pour ça que les fuqaha, dans leur livre, ils évoquent dans Kitab al-Murtad ou Hukm al-Murtad, le plus de la majoritairement, ils citent quoi? Des paroles et des actes. Des fois, ils vont citer des choses qui sont liées à la croyance, comme le shak, le doute, etc. Mais globalement, ils citent des paroles et des actes, puisque c'est de ceci que s'occupe la science du fiqh. Al-fiqh, donc, c'est ce qui est lié au ma'rifat al-ahkam al-amaliya, comme ils disent, l'usulion, ma'rifat al-ahkam al-amaliya, l'ati ala al-mukallafin ila akhiri min de ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ça concerne le fiqh, ça concerne les actes donc religieux du mukallaf, de celui qui est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est des paroles et des actes. Le fiqh ne traite pas de la croyance. Donc quand on regarde dans ces livres-là, on avait lu un passage de l'Iqna' et d'autres livres de fiqh, on va voir que les ulama, les fuqaha, ils citent des paroles et des actes. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est que ce sujet, ce hadith-là et d'autres comme la personne qui a demandé à ses enfants de le brûler, etc., ces hadiths qui sont connus, comme étant des piliers dans l'argumentation de ceux qui excusent les mushrikines dans l'ignorance, par l'ignorance, c'est-à-dire qui jugent de leur islam, qui disent certes ils commettent du shirk, certes ils commettent du shirk akbar, mais ils sont excusés, c'est-à-dire qu'ils restent sur l'islam. C'est-à-dire qu'on ne parle pas ici de gens qui disent oui, ils commettent du shirk, donc ils sont mushrikoun, ils sortent de l'islam, ils ne sont pas musulmans. Mais concernant leur châtiment dans ici-bas et dans l'au-delà, c'est un autre sujet, ils peuvent être excusés. Ça, c'est un autre sujet. Là, on parle de gens qui disent qu'ils restent sur l'islam. En sachant qu'aujourd'hui, c'est une grande partie des do'ats et des soi-disant savants qui prétendent ça. Donc, c'est quelqu'un qui s'attribue à l'islam, qui commet un annulant, ici en particulier le shirk, par la parole ou par les actes, et qui est excusé parce qu'il est ignorant que cet acte ou que cette parole est du shirk akbar. Il reste sur son islam, donc on l'appelle musulman. Et on le traite comme un musulman, mais il est avec les muslimines, il est enterré avec les muslimines. Et même dans l'akhira, Il subit la même récompense que, ou plutôt il jouit de la même récompense que les musulmans parce qu'il était ignorant. Donc le musulman al-alim, le musulman savant, il a le même sort que le mushrik, donc celui qui commet du shirk et qui est ignorant, selon leur croyance. Et donc avant de... Ça, c'est ce hadith-là, encore une fois, fait partie de ceux qu'ils évoquent le plus avec d'autres. Et avant de rentrer dans le sens du hadith, il convient, puisque ce hadith-là, clairement, il fait partie de ce qu'on appelle al-mutashabih, c'est-à-dire qu'il fait partie des choses qui sont équivoques, un texte qu'on peut comprendre de plusieurs manières. Et la preuve en est, c'est que les savants n'ont pas compris ou n'ont pas commenté ce hadith-là tous de la même manière. Il y en a qui ont compris certaines choses et il y en a d'autres qui ont compris d'autres choses. C'est-à-dire là, on parle de quelle est la réalité de ce quoi, de ce que les compagnons, radiyallahu anhum, ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la réalité de cette chose-là? Est-ce que c'est clairement du shirk akbar? Est-ce que c'est plutôt du shirk asghar, comme on peut le comprendre dans les masaïl du chapitre que le shir cite, comme on le verra, inshallah. Ou est-ce que c'est une bid'a, est-ce que c'est une ressemblance au mushrikin, mais qui n'atteint pas le shirk, comme on verra, c'est la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ou d'autres. En sachant que l'ulama da'wa najdiya, eux, voient que c'est quelque chose qui est clairement du shirk akbar, mais même sur la parole qui dit que ce qu'ils ont demandé, c'est du shirk akbar, on verra comment les ulama, ils ont répondu et comment ils ont expliqué que ces gens-là n'ont pas mécru alors qu'ils ont demandé à faire quelque chose qui est du shirk akbar. Comment les ulama, ceux qui voient que c'est du shirk akbar, comment ils ont expliqué ça? Mais dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est que les ulama ne sont pas tous unanimes sur le sens de ce hadith-là. Ça montre quoi? Ça montre que ce hadith-là, il est muhtamil. Il est équivoque, on peut comprendre plusieurs choses. Et que ça rentre dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé al-mutashabih. Et ce qui nous intéresse là aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est à travers l'explication d'un verset du Coran, d'expliquer cette fameuse base et cette grande règle qui est une règle coranique qu'Allah Jalla wa Ala, il a énoncée au début de Sourate Al-Imran et comment les ulama ont commenté ça pour comprendre ce que c'est un texte qui est muhkam ou un verset qui est muhkam et quelque chose, un texte, un verset ou un hadith, on verra même une parole de savant qui est mutashabih. Al-muhkam ou le mutashabih. C'est quoi et comment le musulman il doit se comporter envers un verset qui est muhkam et comment il doit se comporter envers un texte qui est mutashabih. Et ceci, ça fait l'objet en réalité dans le livre du Shir lui-même, dans Keshf al-Shubuhat. Avant de commencer son livre et de citer les Shubuhat de manière détaillée, le Shir il dit que la réponse aux Shubuhat elle est de deux sortes. La première, c'est ce qu'il appelait le rad al-mujmal, c'est-à-dire la réponse globale. Et la deuxième chose qu'il a citée, la réponse détaillée, rad al-mufassal. Rad al-mujmal, ça concerne cette règle-là qu'on veut voir aujourd'hui, la fameuse règle de l'muhkam al-mutashabih. Qu'est-ce que c'est le muhkam? Qu'est-ce que c'est al-mutashabih? Dans quel catégorie rentre ce genre de hadith là qui est avec nous, donc le hadith qu'on appelle Zat Anwat. Est-ce que ça rentre dans le Muhkam ou est-ce que ça rentre dans le Mutashabih? Et si ça rentre dans le Mutashabih, comment on doit se comporter avec le Mutashabih? Et donc ça constitue le Rad et le Mujmal, c'est-à-dire la réponse globale. Pourquoi le Shir il l'a appelé comme ça? Parce que cette réponse là elle est valable pour n'importe quel Shubha. Ce qui nous fait comprendre que connaître cette règle là et la mettre en pratique, c'est quelque chose qui est primordial. Bien plus important que savoir répondre aux choubouettes de manière détaillée, parce que les choubouettes, elles sont nombreuses. Et qu'il y en a certaines que le musulman, il ne connaît pas. Et il y en a certaines où la réponse détaillée, le musulman, il ne la connaît pas. Il n'est pas capable de répondre sur une choubha de manière détaillée parce qu'il ne la connaît pas, ou simplement parce que c'est une. Soit il n'en a pas la science, soit c'est une choubaha nouvelle, etc. Quoi qu'il en soit, la réponse globale, elle est valable pour toute choubaha, et c'est ce que le shir ici il dit au début de son livre, donc dans l'introduction de Keshf al-Shubuhat, que le musulman qui connaît la réponse globale, il est capable de répondre à toutes les choubouhat, et il ne lui incombe absolument pas de savoir répondre à toutes les choubouhat de manière détaillée, puisqu'elles sont innombrables, et que de toute façon, à la base, elles sont basées, comme on le verra dans le tafsir du verset, sur le hawa, et en général sur le hawa et sur le shahwat, c'est-à-dire sur les passions des gens, et pas sur un délil, et pas sur, disons, comme on l'a vu la dernière fois, la volonté d'atteindre la vérité. On avait vu que Dalel, il est lié à deux choses. Le shir avait dit faqd al-ilm ou faqd al-irada, c'est-à-dire l'absence de science, l'ignorance, et l'absence de volonté, c'est-à-dire la volonté de suivre le haqq. Quelqu'un peut avoir vu le haqq, mais sa passion, sa shahwa, le pousse à vouloir suivre autre chose. Et donc, il va s'écarter du haqq et il va suivre sa passion, mais bien sûr, il va devoir trouver dans le Coran et dans la Sunna quelque chose qui appuie ce qu'il veut. Et on verra que c'est le sens de, quand Allah Jalla wa Ala dit, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, on verra le verset, Inch'Allah, Allah dit, وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. Il cherche à l'interpréter, mais en voulant ibtira al-fitna, en voulant la fitna, c'est-à-dire en cherchant à égarer les autres, en leur faisant miroiter que c'est le haqq. C'est-à-dire en essayant d'interpréter ce texte-là et que ça soit conforme à leur bon vouloir, à leur passion, à leur shahwa. Donc ils vont chercher des textes puisque n'importe quel musulman, à la base, va refuser quelque chose qui ne vient pas du Coran ou de la Sunna. Ça, c'est la base. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas, mais la base, c'est ça. Donc il va falloir qu'il embellisse ce que son hawa le pousse à faire avec un verset du Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même maintenant même avec des paroles de savants. Et ceci est la base de l'égarement. Le fait de suivre le mutashabih, de s'écarter de le muhkam, comme on le verra, on citera une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc, Inch'Allah, dans un premier temps, va lire le commentaire d'Ibn Kathir sur la parole d'Allah Azzawajal dans Surat Al-Imran encore. Ceci, ça constitue parmi les grandes règles et parmi les plus grandes règles de la charia. Et tout musulman doit s'intéresser à comprendre ça, puisque encore une fois, comme on va lire dans la parole d'Ibn Qayyim, il dit l'égarement des gens, que ce soit dans les choses de la dunya ou que ce soit dans les choses du din, c'est le fait de suivre ce qui est mutashabih. Le fait de suivre ce qui est équivoque, ce qui n'est pas clair, ce qui peut avoir plusieurs sens, et de délaisser le muhkam, quelque chose qui est clair, net, qui ne peut avoir qu'un seul sens, qui est le sens qui est apparent. Donc, Allah Jalla wa Ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, au début de Surat Al-Imran, donc c'est le verset 7. الله دي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أمن يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله جل وعلا ensuite il nous cite une invocation qui l'incombe aux musulmans de faire et de refaire. Allah dit Rabbana, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne, il nous apprend cette invocation dans le but évidemment qu'on la fasse et qu'on la répète. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ابن كثير رحمه الله تعالى il dit, je vais pas lire toute sa parole parce que c'est assez long, des passages inshallah. Il dit يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد. منه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعدهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح من وحكم محكمه على متشابهه عند فقد اهتدى، ومن عكس إن عكس. ولهذا قال هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه ويرجع إليه عند الاشتباه. وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. Allah Jalla wa Ala nous informe dans ce verset, donc traduction rapprochée du verset, il est celui qui a révélé ou qui a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran. Et du livre où il y a dans le livre des versets qui sont muhkam, comme Ibn Kathir l'explique clair, sans équivoque, qui sont Ummul Kitab, la mère du livre ou la base du livre, comme il l'explique. Et d'autres qui sont équivoque, donc les muhkam qui sont sans équivoque, clairs. Wa ukharu mutashabihat qui sont équivoques, c'est-à-dire qu'on peut interpréter, qu'on peut comprendre de plusieurs manières. Et ceci, comme on le verra, pour différentes raisons. Et ceux qui ont le cœur tourné vers l'égarement suivent ce qui est équivoque, en recherchant le fitna. C'est-à-dire, on verra, en recherchant à égarer ceux qui les suivent, et en recherchant à les interpréter, mais selon une interprétation qui est conforme à ce qu'eux veulent, à leur croyance, à leur but. Et seul Allah en connaît l'explication. Et ceux qui sont ancrés dans la science disent « Nous avons cru ». Tout vient de la part de notre Seigneur et ne se rappelle que les gens doués d'intelligence. Oustallah Jalla wa Ala, il cite cette dua, il nous enseigne cette dua, où la réalité c'est que cette dua c'est le fait de demander Allah Jalla wa Ala al-thabat, le fait de rester ferme sur sa religion et de qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés, et comme on verra dans la parole d'Ibn Kathir, c'est-à-dire que qu'Allah Jalla wa Ala il n'égare pas nos cœurs en nous faisant ou en nous mettant parmi les gens qui suivent al-mutashabih et qui délaissent al-muhkam. Il a écrit. Ibn Kathir dit Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe dans le Coran, ou nous informe dans le Coran qu'il y a deux types de versets. C'est Allah Jalla wa ala lui-même qui a classé les versets en deux sortes. Il dit ayatul muhkamat hunna umul kitab, des versets qui sont clairs, qui sont la base du livre, c'est-à-dire muhkam il dit, c'est-à-dire qui sont clairs, dont la signification est sans ambiguïté, clair. Et la compréhension de ces versets-là n'échappe à personne. Personne ne se trompe dans la compréhension de ces versets-là. Et rentre là-dedans, ce qui nous intéresse dans ce sujet-là, comme on le verra plus tard, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi ? Tawhid. Tawhid, l'adoration d'Allah Jalla wa Ala seul, le désaveu du shirk. Ce sens-là, il est clair et net du début du Coran, au milieu, à la fin, comme on l'a vu dans le chapitre du sens de la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala il a cité des versets comme le verset Allah Jalla wa Ala, il dit « Où il dit « Ibrahim, ou l'abihi wa qawmi, إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولا بارد يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكافر بما يعبد من دون الله. Ça, c'est des muhkamats, ça, c'est des nusus qui sont claires et nettes et dont le sens n'échappe à personne. Ça, c'est le muhkam. On ne peut pas comprendre wa'abudullaha wa la tushriku bihi shay'an. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa ishtanibu at-taghut. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Tous ces versets clairs, sans équivoque, qui. Réunis constituent ce que certains ulama, comme Shatibi, on le verra, il appelle al-qawaid al-kulliyah, al-kulliyat, les grandes règles de la sharia. Et ceci est la plus grande règle de cette religion, c'est-à-dire le tawhid, le sens de la ilaha illallah, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, et le désaveu du shirk. Donc il n'y a pas, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah, il le dit concernant al-asma wa al-sifat, il dit huwa min ahkam al-muhkamat. Ça fait partie de ce qu'il y a de plus muhkam, de plus clair, les noms et les attributs d'Allah Jalla wa Ala. Qu'en est-il du sens de la ilaha illallah, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, et le désaveu du shirk, c'est encore plus muhkam. Et il dit qu'il y a d'autres versets. Donc Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait cette classification-là. Il y a d'autres versets qui sont ambigus ou équivoque, c'est-à-dire qu'on peut comprendre de plusieurs manières et dont la signification échappe à beaucoup de gens ou à une partie des gens. Et là, Ibn Kathir, rahimahullah ou ta'ala, il évoque la grande règle qui est en vigueur chez Al-Sunnah wal-Jama'a. Il dit, et celui qui renvoie ce qui est équivoque à ce qui est clair et qui fait prédominer ce qui est muhkam ou qui va renvoyer ce qui est mushkil, yani ce qui pose problème, il va le renvoyer à ce qui est muhkam. Il va prendre comme juge, comme chose pour trancher le muhkam, ce qui est clair et net, donc il y renvoie le mutashabih. Il dit, alors celui-là, il est guidé. Il est bien guidé. Il est celui qu'Allah Jalla wa Ala a conformé sur la guidée sur sa guidée. Il est celui qu'Allah Jalla wa Ala il a guidé et celui qui fait l'inverse, qui s'accroche à al-mutashabih et qui délaisse al-muhkam, qui s'accroche à ce genre de hadith, comme le hadith de Zat Anwat, et qui s'accroche à ça pour dire que celui qui fait du shirk mais qui ne sait pas, il est musulman. Alors qu'Allah Jalla wa Ala il a montré qu'il n'y a pas d'islam sans le désaveu du shirk, que ce soit par la croyance, la parole ou les actes, c'est quelqu'un qui s'est accroché à al-mutashabih et qui a délaissé al-muhkam. Et il fait partie donc des gens du Zayr. Allah Jalla wa Ala lui-même il les a appelés les gens du Zayr, de l'égarement. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala il les a appelés, ces versets-là, al-muhkam, il l'a appelé Ummul Kitab. C'est-à-dire la base du livre. La base, c'est-à-dire, c'est à cette base-là qu'on revient lors de l'ishtibah. Quand il y a quelque chose qui est ambigu, qui n'est pas clair, on va le renvoyer à ce qui est clair. Et c'est pour ça que ces versets-là qui sont clairs, qui sont la base, ça a été appelé la base. Et là, il dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit, et d'autres qui sont ambigus, pas clairs, équivoques. Il dit, et leur, ce que signifie ce verset-là, il peut, et ça peut être conforme à ce que nous indique, à ce que signifie ce qui est muhkam, ce qui est clair. C'est-à-dire, on peut comprendre ce verset-là. Al-mutashabih, ce qui est ambigu, on peut le comprendre, c'est-à-dire que le verset ou le hadith, on peut comprendre son sens, c'est-à-dire de par la langue arabe, de par les règles de la langue arabe ou du contexte ou quoi, on peut comprendre ce texte-là qui à la base est ambigu, on peut le comprendre conformément à ce que nous indique ce qui est muhkam, ce qui est clair. Il dit « وَقَدْ تَحْتَمِلْ شَيْئًا آخَرْ مِنْ حَيْثِ اللَّفْظِ وَالتَّرْكِيبِ لَمِنْ حَيْثُ الْمُرَادِ » Et des fois, on peut comprendre ce texte ambigu d'une autre manière. C'est-à-dire, mais ici, il dit quelque chose d'important, il dit « min haythu al-lafz wa tarkib ». C'est-à-dire, on peut comprendre ce texte qui est ambigu d'une autre manière. C'est-à-dire, on va le comprendre d'une manière qui contredit ce qui est muhkam, qui contredit ce qui est clair et net, et ce qui constitue les grandes règles de la charia. On peut le comprendre donc avec un sens qui va contredire le muhkam. Il dit, mais d'un point de vue des mots et de la phrase, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en se basant simplement sur le sens que pourraient avoir certains mots dans la phrase, parce que c'est un sens qui existe dans la langue arabe, et d'un point de vue de comment dire, comment ils appellent ça, de la syntaxe de la phrase. Il dit « la min haythul murad ». C'est-à-dire que ce sens-là, qu'on a compris, qui contredit le muhkam, c'est pas le sens « al-murad », c'est-à-dire « al-murad » de qui ?« Murad Allah Jalla wa'ala ». C'est pas ce sens-là qu'Allah Jalla wa'ala il a voulu. Même si tu peux comprendre ça comme ça. Effectivement, c'est-à-dire si tu sépares ce texte qui est ambigu, tu le sépares de ce qui est muhkam, tu le prends tout seul, tu peux avoir cette mauvaise compréhension. Mais si tu renvoies ce texte-là qui est mutashabih, tu le renvoies à muhkam et que tu le comprends, tu essayes de le comprendre conformément à ce qu'indique le texte qui est clair, le texte qui est clair qui est muhkam, là, il y a pas d'ambiguïté. Ensuite, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, donc clairement, le hadith de Zat Anwat, il n'y a aucun doute qui rentre dans cette catégorie-là, même si ici Allah Jalla wa'ala, il parle du Coran. Il ne parle pas de la sunna, mais les ulama, ils appliquent cette grande règle, encore une fois, qui fait partie des plus grandes règles de la charia. Ils font rentrer là-dedans la sunna et ils font même rentrer les paroles des savants. On citera, Inch'Allah, des exemples. Donc, il cite ensuite certaines paroles des salafs, des compagnons, des tabi'in et de leurs élèves. Et on sait que ça aussi, c'est une grande règle dans le tafsir du Coran, que les salafs dans le tafsir du Coran, et le khilaf qui est évoqué dans leurs paroles, ça rentre dans le chapitre qu'on appelle khilaf et tanawwu', c'est-à-dire qu'en général, ils vont citer des exemples. C'est-à-dire que même si leurs paroles sont différentes, c'est souvent ils citent des exemples. C'est-à-dire qu'ils vont citer certains exemples de ce que c'est le muhkam et certains exemples de ce que c'est le mutashabih. Mais il n'y a pas de vraie contradiction dans leurs paroles. Il n'y a pas ce qu'on appelle khilaf tadad. Ça reste de l'ordre du khilaf et tanawwu', c'est-à-dire il cite des sortes, des exemples de muhkam ou de mutashabih. Ainsi, Ibn Kathir, il revient en disant, un peu après, il dit « وَأَحْسَنُ مَا قِلَ فِيهِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ إِبْنُ إِسْحَاقٍ حَيْثُ قَالَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ فِيهِنَّ حُجَّةُ الرَّبِّ وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه قال والمتشابهات في الصدق لهن تصريف والتحريف والتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. Ici, il nous dit, et la meilleure chose qui a été dite concernant le sens de ce que c'est muhkam et mutashabih, c'est ce qu'on a cité précédemment. C'est-à-dire que le muhkam, c'est ce qui est clair, sans équivoque, qui n'a qu'un seul sens, et c'est le sens qui est apparent. On ne peut pas comprendre le muhkam de plusieurs manières. On est obligé de le comprendre que d'une seule manière. « Wa'budu Allah wa la tushriku bi shay'an » Adorer Allah seul et ne lui associer à rien dans son adoration. Muhkam, comment tu vas comprendre? Wa aqimus salata wa atuz zakat. Wa accomplissez la salat et acquittez-vous de la zakat. Comment tu vas comprendre ça? Hada, c'est des exemples de muhkam. Et c'est ce qu'a cité Muhammad ibn Ishaq lorsqu'il a dit concernant la parole d'Allah Jalla wa Ala, Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab, donc parmi les versets du Coran, il y a des versets qui sont clairs, sans équivoque, sans ambiguïté, et qui sont la base du livre. Il a dit, et dans ces versets-là, il y a la preuve du Seigneur. Et il y a la protection des serviteurs. Puisque celui qui s'y accroche, il s'est protégé. De quoi? De l'égarement. Comme ça vient dans le terme. Donc celui qui a suivi, comme on va le voir dans le hadith d'Aïcha radiallahu anha, après, il y a une protection pour le serviteur dans le fait de s'accrocher à l'muhkam et de laisser le mutashabih. Et wafihinna daf'u al-khusum wal-batil. Et il y a aussi dans ces versets-là, dans le muhkam, une réponse aux gens qui contrarient, aux mukhalifin, et aux faux, aux vains. On le repousse, les gens qui viennent avec des ambiguïtés, avec des choubouhats, avec al-batil, avec le vain, on les repousse en premier lieu avec al-muhkam. Avec El Mouhkem. Quelqu'un qui vient, comme le shirk, c'est ce qui constitue, comme on l'a dit avant, El Rad, ou El Jawab, El Mujmal. Comme le shirk l'a cité dans Keshf al-Shubuhat, quelqu'un qui vient, ouais, il a commis du shirk akbar, il a dit du shirk akbar, il a fait du shirk akbar, mais il reste musulman, il est ignorant. Kaif, Allah Jalla wa Ali, Nabi Sallam, il dit, Man qala la ilaha illallah wa kafar bima yu'bad min dunillah. Comme Allah Jalla wa Ali dit, Faman yakfur bit ta'ghut wa yu'min billah. فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui-là, il a réalisé l'islam. Est-ce que celui qui commet du shirk akbar, il a yakfur bit-tagout, kafara bit-tagout, il a mécru au tagout, ou alors il a cru au tagout. Comment tu t'accroches à le mushtabih ou le mutashabih et tu délaisses le muhkam? Ça, c'est les gens d'Ahl al-Zayr. Comme Allah Jalla wa Ala, il les a identifiés dans son livre. Non. Et il dit que ces versets-là, al-muhkam, il n'y a pas, moyen de les changer, de changer leur sens. Il n'y a pas moyen de les sortir, de les détourner ou de les changer du sens pour lequel Allah Jalla wa Ala, il les a révélés. Al-mutashabih, par contre, ceux-là sont ces versets-là ou ces ahadith-là, c'est des textes que on peut interpréter. On peut chercher des sens qu'on peut faire rentrer dans les mots du texte parce que, par exemple, ce qu'ils appellent l'ishtirak, un mot qui a plusieurs sens dans la langue arabe. L'autre, il va dire non, ça veut dire ça. L'autre, il va dire non, ça veut dire ceci, cela. Donc, on peut comprendre par cela plusieurs choses ou des choses qui sont floues dans le texte. C'est-à-dire que tout, par exemple, on peut imaginer que tout n'a pas été rapporté par les rapporteurs. C'est ce qu'on appelle, ce que les ulama, on en reparlera, ils appellent qadaya a'yan. Comme c'est le cas dans l'homme qui s'est fait brûler, etc. On citera aussi un autre exemple. C'est-à-dire que ces textes-là, on peut en chercher plusieurs interprétations. Ils peuvent avoir plusieurs interprétations. Et Allah Jalla wa Ala, ici, il cite Ibn Kathir, fi fa'ida kabira. Il cite ici l'illa, la raison. Pourquoi Allah Jalla wa Ala, il a voulu un moment qui était muhkam al-mutashabih. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas révélé, il a pas dit, parce que c'est la parole d'Allah, que des choses qui sont muhkam. Ici, Ibn Kathir, il dit, Allah Jalla wa Ala, il a voulu éprouver les gens. Comme il les a éprouvés dans le halal et dans le haram. C'est-à-dire, il y a le halal, il y a le haram. Tu fais le halal, tu délaisses le haram. Allah Jalla wa Ala, il a voulu qu'il y ait des versets qui soient muhkam, des textes qui soient muhkam, auxquels on doit s'attacher, et des textes qui sont mutashabih, qu'on doit comprendre conformément à le muhkam, ou qu'on doit laisser de côté, si on ne peut pas en comprendre l'interprétation, et que ce qui ressort de ce texte-là contredit le muhkam. Et donc, Allah Jalla wa Ala, il a éprouvé ses serviteurs. Et l'épreuve, c'est quoi? C'est le fait donc de ne pas se détourner de le muhkam et d'aller vers le mutashabih et de donner à le mutashabih des sens, de s'accrocher à des sens qui contredisent le muhkam. Ensuite, il continue en disant وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيِّغٌ أي الضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوا إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه ينزله عليها لاحتمال لفظه لما يصرفون فما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم ولهذا قال تعالى ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهذا حجة عليهم لا لهم كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وبقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وغير ذلك من الآية المحكمات المصرحات بأنه خلق من المخلوق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسول الله. Et c'est pour ceci qu'Allah Jalla wa Ala il dit « Et ceux qui ont dans leur cœur l'égarement. » Zahir, c'est-à-dire il a expliqué par « Ad-Dalal » l'égarement. Et le fait de s'écarter du « Haq » et de se diriger vers le vain, vers le « Batil », s'écarter de la vérité et d'aller vers ce qui est vain. Ils suivent ce qui est ambigu, équivoque, ce qui porte à interprétation. C'est-à-dire qu'ils s'accrochent à l'mutashabih. Ils prennent l'mutashabih qu'ils peuvent changer, c'est-à-dire dont ils peuvent faire comprendre, oui, l'mutashabih auquel ils peuvent donner une interprétation, comme on l'a dit, qui est conforme à ce qu'eux veulent. يعني يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة. C'est-à-dire à la base, il a basé sur le hawa ou le shahwa, il a une croyance qui à la base n'est pas basée sur le Coran et la Sunna. Il veut trouver un dalil pour l'utiliser pour prouver ce que lui il veut, ce que lui il croit. Il va se diriger vers le mutashabih. Il va donner à le mutashabih un sens que en réalité ce mutashabih là il peut avoir de par la langue arabe, etc., comme il le dit après, et il va s'accrocher à ça. Il va l'utiliser comme délil et il va délaisser al-muhkam. Donc il va prendre ce mutashabih et il va lui donner un sens qui est conforme à son hawa. Et après il dit quelque chose d'intéressant. L'ihtimal lafdhihi lima yusarrifunahu. En se basant sur quoi? Sur le fait que les mots qu'il y a dans ce texte-là, que ce soit un verset ou un hadith, ils peuvent avoir le sens que lui il veut. Ils pourraient, si tu sors le texte, que tu le prends de manière séparée, sans prendre en compte le reste et le muhkam, le reste de la sharia, tu peux lui donner le sens, ce sens-là, tu pourrais comprendre ce sens-là, de par les mots que constitue le texte dans la langue arabe, etc. Comme le font les gens de la bid'a, on l'avait vu dans le wasitiyya, avec l'asma' wa sifat, sifatullahi jalla wa ala, comme l'yad. L'yad, on trouve dans la langue arabe que ça a le sens de la ni'ma, le bienfait, de le qudra, la force, la puissance, etc. Donc ils vont sortir le texte qui peut vouloir dire ça, où on pourrait comprendre ça en utilisant le sens du mot yad, ce sens-là dans la langue arabe, et ils vont s'accrocher à ça, donc al-mutashabih, et ils vont laisser al-muhkam. والله جل وعلا par exemple il dit وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعن بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفقوا كيف يشاء. Alors que ses deux mains, donc les Juifs ont dit qu'Allah il est avare, il est aghri, ses deux mains sont ouvertes. Yunfiqu kayfa yasha. Il donne, il dépense à qui, envers qui il veut. Yunfiqu kayfa yadahum mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, comme il veut, à qui il veut. Donc on peut pas comprendre dans ce, comme on l'avait vu dans le Wasitiya, tu peux pas comprendre dans ce verset là que yadan déjà qudratan, deux forces, ou ni'matan, deux ni'ma. Qu'Allah Jalla wa Ala mabsutatan, elles sont ouvertes. Yunfiqu kayfa yasha, il dépense comme il veut. Tu es obligé de comprendre que c'est biyad al-haqiqi. Et ça, c'est le muhkam. Ça, c'est le texte qui est muhkam. Donc, c'est le même principe dans, que ce que font les gens, malheureusement aujourd'hui, dans, jusqu'à dans le tawhid al-ibada. Et quand Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit que ayat al-sifat, il dit ayat al-sifat min ahkam al-muhkam. C'est ce qu'il y a de plus muhkam. Qu'en est-il encore une fois de, du sens de la ilaha illallah, la religion de tous les messagers qu'Allah Jalla wa Ala il a expliqué du début jusqu'à la fin de son livre et que son messager sallallahu alayhi wa sallam il a explicité de manière claire et nette. Il dit alors que le muhkam, ils n'ont aucune part dans cette chose-là. C'est-à-dire le muhkam, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas essayer de lui donner un autre sens que le sens qui est juste et qui est clair. Parce qu'il n'a pas, il peut, on ne peut pas l'interpréter de plusieurs manières. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِشَيْئًا. Comment tu interprètes ce texte autrement que ce qu'il veut dire? دِلِ أَنَّهُ دَامِرٌ لَهُمْ وَحُجَّةٌ عَلَيْهِمْ. Donc c'est quelque chose qui est clair pour eux. On peut comprendre aussi d'amir, yani qui tranche et qui est une preuve contre eux. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala, il dit, comme on l'a dit avant, ibtira al-fitna. C'est-à-dire, il recherche la fitna. Il recherche à égarer les gens qui les suivent en leur faisant croire qu'ils ont un délil du Coran et de la Sunna. Ça, c'est la réalité pour tout Mubtadi'. Tout Mubtadi'. Il vient toujours avec un verset du Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appuyer sa bid'a ou son shirk ou autre chose ou son égarement. Puisque s'il vient avec rien, évidemment personne n'acceptera sa parole. Donc il faut qu'il embellisse sa parole avec quelque chose du Coran ou de la sunna. Et comme on l'a dit, il va s'accrocher à quoi? Al-mutashabih. Et il va délaisser le muhkam. Et ici, c'est un exemple qui est intéressant, puisqu'il touche le tawhid, et même si c'est le tawhid al-rububiyya, ça montre à quel point cette règle-là, elle est importante. Il dit, c'est comme si les chrétiens, ils l'ont fait, puisque il faut savoir que les ulama ils disent que le début de sourate Al-Imran, il a été révélé par quel sabab lors de, on avait vu ça dans la Sira, lors de l'année des délégations, on a les chrétiens de Najran, région du Yémen, qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont refusé d'embrasser l'islam. Et ils sont rentrés en divergence sur Isa, alayhi salam. Et c'est là où Allah Jalla wa'ala, il a révélé le verset de l'Mubahala. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ إِلَى آخِرِهِ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. Le verset de l'Mubahala, il a été révélé concernant les chrétiens de Najran, qui sont rentrés en confrontation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la réalité d'Isa alayhi salam, est-ce qu'il est une divinité, est-ce qu'il est le fils d'Allah azza wa jal, ou est-ce qu'il est un serviteur et un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le muhim, c'est que les ulama ils disent que le début de surat Al-Imran il a été révélé par ce sabab-là, par la venue des chrétiens de Najran. Et ici justement, Il dit, c'est comme si le chrétien, il vient et il prend comme preuve. Et ils l'ont fait. On sait qu'ils l'ont fait, on sait que ce verset, il a été utilisé par, comme on l'avait vu aussi, déjà dans Kitab Tawhid, ou dans, que ce verset-là, il a été utilisé par les chrétiens, mais aussi par le Jahmiya. Allah Jalla a dit, Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Donc, qu'il est l'envoyé d'Allah, et sa parole qu'il a jetée à Mariam, et qu'il est un esprit venant de lui. Les chrétiens, ils ont pris ça. Ils ont dit, dans ton livre, ô Mohammed, dans ton livre, il y a des versets qui nous indiquent que Allah Jalla wa Ala n'est pas une divinité unique, mais qu'il y a plusieurs divinités. Voilà, quelle preuve ceci par exemple? Donc Isa, il est, Allah Jalla wa Ala dit, Rasulullah, l'envoyé d'Allah, le messager d'Allah, wa kalimatuhu, sa parole. Donc ça, al-Jahmiya. On avait vu que al-Jahmiya, ils prennent ça. Ils disent, wa kalimatuhu, c'est-à-dire, kalimat ici, c'est qui? C'est Isa. Ou Isa ibn Maryam, Allah Jalla wa Ala, il l'a appelé kalimat. Ça montre quoi? Que kalimatuhu, c'est-à-dire une parole, ou le kalimatuhu, c'est-à-dire la parole kalimatuhu, hu, ça retourne à qui? À Allah. Donc kalimatullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé Isa kalimatullah, ou Isa, il est makhlouq. Allah jalla wa ala, il a créé Allah, Isa. Donc le jami dit, Isa makhlouq, Isa il est créé. Donc kalimatullah, ça veut dire que la parole d'Allah, elle est créée. Le kalima makhlouqa, comme Isa, c'est lui le kalima. Et donc la parole elle est créée, et donc le Coran c'est makhlouq, le Coran makhlouq. Ils utilisent ça comme dalil. Mais les chrétiens, ils ont utilisé ce verset là, Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Wa ruhum min, il y a un esprit venant de lui. C'est-à-dire que Isa, il fait partie de l'essence d'Allah Azza wa Jalla. C'est pas une créature, mais il est de l'essence d'Allah. Donc ils ont dit à Mohammed, dans ton livre, il y a un verset qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas une divinité unique. On verra dans une parole qu'on lira plus tard d'Ibn Taymiyyah, où ils ont utilisé aussi d'autres versets, plusieurs versets, où Allah jalla wa'ala dit dans surat al-Hijr, le verset où Allah dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu l'hafidhum ». Ils ont utilisé aussi ce verset. Ils ont dit dans ton livre, Mohammed, ton Seigneur, il dit, Inna nahnu nazzalna dhikra. Inna nahnu. Nahnu, c'est un damir, c'est un prononcé des Arabes. C'est des chrétiens du Yémen, c'est des purs Arabes. Et nahnu, ils disent, c'est un damir. Pronom. Bon, ils n'ont pas utilisé le mot damir, parce que c'est un istilah de nahwin, des nouhad qui est venu après, mais c'est un mot qui indique quoi? Le jam'. Nahnu. On est plusieurs. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Toi, vous dites que votre divinité elle est unique, alors que dans votre livre il y a une indication qu'il y a plusieurs divinités dans nahnu. Inna nahnu damir jam', ça indique le pur. Voilà, ils ont utilisé certains versets. Et Ibn Kathir dit wa taraku al-ihtijaj bi qawli, et ils ont délaissé l'indication des versets clairs, comme Allah Jalla wa Ala dit, inna huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi, il n'est qu'un serviteur à qui nous avons octroyé notre bienfait. Wa bi qawlihi inna mathal 'Isa 'inda Allah ka mathal Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Est semblable à Isa auprès d'Allah, où Isa est semblable auprès d'Allah à Adam. Il l'a créé à partir de terre, et ensuite il l'a dit, soit il a été. Donc Isa, il est semblable à Adam en quoi? Allah Jalla wa Ala, il a bien créé Adam sans père et sans mère. Il a créé Isa alayhi salam d'une mère sans père. Donc il est semblable. ثم قال له كن فيكون وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسول الله. Il dit, et d'autres versets parmi les versets qui sont clairs sans équivoque et qui certifient qu'il est une créature parmi les créatures d'Allah Jalla wa Ala, un serviteur et un messager parmi les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire que les versets qu'ont utilisés ces chrétiens-là contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre les musulmans, si on les prend comme ça de manière seule, on peut comprendre quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle ça le mutashabih. Mais quand on retourne aux versets qui sont clairs et nets, on ne peut pas comprendre qu'Isa, il vient d'Allah, il est de l'essence d'Allah, ou il n'est pas une créature, etc. Ça concerne le tawhid al-rububiyya. Et on voit, de là, on voit que, aussi concernant celui qui excuse les mushrikin, ou celui qui croit que quelqu'un qui commet le shirk al-akbar, ou même celui lui-même, celui qui commet le shirk al-akbar, est-ce qu'on peut considérer ça comme une shubha? Est-ce qu'on a le droit de considérer ça comme une shubha et de dire oui, mais il commet le shirk, mais il ne sait pas? Est-ce qu'on a le droit de considérer ça comme une shubha? Est-ce que toute shubha est acceptée comme étant une shubha et on doit y appliquer les règles de la shubha, c'est-à-dire de, comme c'est le cas dans certains sujets, dans les sujets de l'ijtihad et tout, est-ce qu'on doit, ou dans les sujets de la croyance, ce que les ulama ils appellent les masail et les khafiyya, c'est-à-dire les sujets qui sont cachés, que tous les gens ne connaissent pas, on sait que la règle c'est qu'on doit apporter la preuve à la personne, on doit lui expliquer de manière à ce que la shubha qu'il a, elle s'efface, et à ce moment-là, seulement s'il contredit, il mécroit. Est-ce qu'on peut rentrer, ce qui concerne le tawhid, ou le usul et l'ihtiqad, les choses qui concernent les fondements de la croyance, est-ce qu'on peut rentrer tout ça dans les shubuhat, et on peut rentrer tout ça, est-ce qu'on peut accepter ça comme shubha? Quelqu'un, il vient, si c'était le cas, là on prend ces exemples, si c'était le cas, alors le shirk, le kufr des chrétiens ici, qu'ils commettent quand ils disent que oui, il y a dans votre livre des versets qui stipulent que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas la seule divinité, ça serait une shubha acceptée. Si toute shubha que les gens ont était acceptée comme shubha et qu'il fallait montrer la preuve et qu'il faut lui enlever sa shubha ila akhiri, alors ces shubha-là, elles auraient été acceptées. Et la shubha de quelqu'un qui vient et qui dit il y a une autre divinité avec Allah Jalla wa Ala, ce serait une shubha qui serait acceptée. Or, on voit que, là, comme on le verra aussi dans la parole de l'imam Shatibi, il n'y a pas de shubha, ou il n'y a pas d'ishtibah, comme il dit, il n'y a pas de choses qui sont équivoques, ambiguës dans la base de l'islam et dans usul al-i'tiqad. Où lui, il emploie un mot, il dit al-qawa'id al-kulliya. Il n'y a pas dans les grandes règles de la charia. Et la première grande règle, c'est quoi? C'est le tawhid. Il n'y a pas de shubha qui rentre dans ces sujets-là. C'est que toute shubha ou toute ambiguïté qui concerne ce sujet-là, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas recevable comme shubha. Et on ne dit pas, cette personne-là, bon, elle s'est trompée, il y a un texte qui est ambigu, elle s'est trompée, il faut lui expliquer, il a akhiri. Non, ce n'est pas accepté. Parce que c'est des sujets qui sont clairs, trop clairs, qui sont muhkem dans le Coran. Et qu'Allah Jalla wa'ala, il a décrit les gens qui suivent le mutashabi comme les gens de l'égarement. Et il ne les a pas excusés. Ensuite, Ibn Kathir, rahimahullah, il cite le hadith d'Aïcha. Wana Aïcha, un peu plus loin, Wana Aïcha, radiyallahu anha, qalat, qara'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فما الذين في قلوبهم زيغ إلى قوله أولو الألباب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذ رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم وفي لفظ البخاري سأسي حديث كي رابورتي ou cette version-là du hadith, les mots du hadith, ce n'est pas les mots de Al-Bukhari, il dit dans son sahih, « فقال صلى الله عليه وسلم, فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه يعني من القرآن, فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. » Si tu vois ceux qui suivent le mutashabih, c'est-à-dire les versets équivoquants ambigus du livre, alors ils sont ceux qu'Allah Jalla wa Ala a nommé, a désigné dans son livre, alors méfie-toi d'eux, prends garde. contre ces gens-là. Les ulama, ils prennent ce hadith-là comme base pour le fait de s'écarter du mubtadi, de l'innovateur. C'est-à-dire qu'en réalité, ça concerne tous les gens aujourd'hui qui viennent avec ce genre de texte. Hadith al-Dhatanwat, ils ont demandé le shirk akbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a excusés, ça montre que celui qui fait du shirk, qui ne sait pas que c'est du shirk, il est musulman. L'homme, il n'a jamais fait de bien dans sa vie, il n'était pas sur le tawhid, il était sur le shirk, il ne savait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala pouvait le ressusciter, il ne croyait pas en la qudra d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pourtant Allah jalla wa ala, il l'a excusé, donc ça montre que celui qui commet du shirk, du kufr, en annulant de l'islam, sans le savoir, il est excusé. Il est musulman, il rentre au paradis. Il est akhiri. Comme ça c'est leur argumentation. Des gens qui s'accrochent à al-mutashabih et qui délaissent al-muhkam, que le tawhid ne se réalise qu'avec deux choses, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et le désaveu du shirk. Et c'est la wazim. Un peu plus loin, donc ici après il parle Ibn Kathir. Il continue donc dans. Il parle de Hadith al-Khawarij. Puisque, encore une fois, tous les gens de la bid'a, que ce soit dans. Et bon, ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est la base de l'islam, c'est le tawhid, c'est des choubouhats qui concernent le tawhid et l'adoration d'Allah Jalla et le kufr bit-taghut. Donc, on ne dit pas la bid'a, mais on dit le kufr. Les gens du kufr aujourd'hui. Les prêcheurs à la mécréance, ils s'attachent à un mutashabih dans le tawhid. Mais concernant un sujet qu'on a déjà lu et qu'on a déjà vu dans le WCTA, tous les groupes de la bid'a, donc qui contredisent la croyance de Al-Sunnah wa Jama'a dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sujet de l'iman, de ce que c'est l'iman, qawl wa amal, dans la croyance concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le shafa'a et tous ces points de croyance qui sont la croyance de la sunna wal jama'a. On a vu que tous les groupes qui les contredisent, si on regarde ce à quoi ils s'attachent systématiquement, comme on l'a dit, al-mutashabih, et délaissent al-muhkam. Ça, c'est une règle, comme l'a énoncé Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et plus loin, il cite la parole d'Ibn Abbas. Il dit وعن ابن عباس وقد تقدم يعني في مقدمة تفسيره أنه قال التفسير على أربعة أنحاء فالتفسير لا يعذر أحد في فهمه والتفسير تعرفه العرب من لغاتها والتفسير يعلمه الراسخون في العلم وتفسير لا يعلمه إلا الله سيد إساد على قول الله ومن يعلم تأويله إلا الله. Mais nous, on cite cette parole pour dire quoi? On cite cette parole pour bon, même s'il y a certains qui disent que cette parole n'est pas thabit, an Ibn Abbas, radiallahu anhu, mais les ulama l'utilisent beaucoup. Puisque le sens est juste, le tafsir il est de quatre sortes. Et ici, la première sorte qu'il cite, il dit un tafsir au sujet duquel personne n'est excusé. Quant à ignorer le sens de ces versets-là. C'est-à-dire, il y a des versets, leur sens, leur tafsir, personne n'est excusé dans leur ignorance. Et qu'est-ce qui rentre en premier lieu dans ces versets-là? Les versets du tawhid, sans aucun doute. Suite à un tafsir que les Arabes connaissent de par leur langue, donc par la langue arabe. Un tafsir que seuls ceux qui sont ancrés dans la science connaissent et un tafsir que seul Allah Jalla wa Ala connaît. Donc ça, c'est pour la parole d'Ibn Kathir concernant cette règle-là, ce verset-là, donc qui est une grande règle coranique. J'aimerais juste lire deux, trois paroles de l'ulama concernant ce verset-là. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى donc ça c'est la parole que j'ai citée avant. Donc concernant les chrétiens, on avait dit de Najran aussi qui disent que ça, il évoque ça dans At-Tadmouria, qui ont utilisé le verset de Surat al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhu. Ils ont dit nahnu pour dire qu'il y a plusieurs divinités, ça on l'a vu. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit pour montrer que cette règle-là, le fait de renvoyer al-mutashabih il est al-muhkam, donc ce qui est équivoque à ce qui ne l'est pas, à ce qui est ambigu, donc renvoyer ce qui est ambigu à ce qui ne l'est pas, il dit فَمَا خَالَفَ ظَاهِرَ al-muhkam فَهُوَ mutashabih يرد إلى المحكم وقد اتفق المسلمون على هذا. Il dit ce qui contredit le muhkam, c'est ce qui contredit le sens apparent des versets qui sont clairs, sans équivoque. Il dit ceci est le mutashabih. Le mutashabih, il est renvoyé à le muhkam. C'est-à-dire qu'on doit comprendre le mutashabih, ce qui est ambigu, conformément à ce qu'on comprend de ce qui n'est pas ambigu, ce qui est clair. Et ceci est une chose sur laquelle les musulmans sont unanimes. Ça, c'est tous les savants. Tous les savants de l'islam sont d'accord sur cette grande règle-là. Après, ici, une autre parole de lui où il dit, ce qu'on a cité précédemment, il dit فَفَسَادُ الدُّنْيَا وَالدِّينِ مِنْ تَقْدِيمَ الْمُتَشَابِي عَلَى الْمُحْكَمِ وَتَقْدِيمَ الرَّيْ عَلَى الشَّرْعِ وَلَهَوْ عَلَى الْهُدَى بِاللَّهِ التَّوْفِيقِ. Ça dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, il dit que la corruption de ce bas monde et de la religion, la cause en est quoi? Le fait de faire devancer ce qui est mutashabi, ce qui est ambigu, sur ce qui est clair, sur le muhkam. Et de faire devancer sa pensée, son idée sur la législation. Et de faire précéder donc son hawa, son désir sur la guidée, sur ce qu'indique donc sur la guidée, sur l'ilm, shara'i. On va terminer juste avec quelques paroles de l'imam Shatibi rahimahullah dans son livre Al-Muwafaqat. Des paroles importantes, intéressantes, et on va finir avec ça. Deux, trois paroles. Déjà pour en revenir à ce que je disais avant. Al-Ishtibah, Shubha. L'ambiguïté, elle ne rentre pas dans les fondements de la religion. Et encore moins dans son fondement le plus clair qu'est le Tawhid. Et ne rentre pas non plus dans l'usul al-i'tiqad, dans les fondements de la croyance. Et Shatibi, il dit, rahimahullah, il dit at-tashabuhu la yaqa'u fil qawa'id al-kulliya wa innama yaqa'u fil furu' al-juz'iyya. Il dit que l'ambiguïté l'ambiguïté ne se produit pas dans les grandes règles de la charia. Et quelle grande règle qui est plus grande que le tawhid? Il dit, mais l'ambiguïté peut se produire, peut exister dans les branches, dans le juz'iyya, dans le furu', dans le furu' al-juz'iyya. C'est-à-dire, il peut y avoir des ambiguïtés dans les branches de la religion. Mais pas dans la base, ce qu'il appelle lui le qawa'id al-kulliyya. Et plus tard dans sa parole, il dit فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُتَشَابِهِ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمَّهَاتِ الْكِتَابِ. Ceci nous indique que le mutashabih, que les versets qui sont ambigus, لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ, n'existent pas dans ce que constitue quoi? مِنْ أُمَّهَاتِ الْكِتَابِ, la base du livre. La shubha ne se produit pas dans la base du livre. Mais quelle base après le tawhid? Aucune base après le tawhid, ou avant le tawhid plutôt. Non. Va terminer. Avec deux ou trois paroles de lui aussi. Il dit aussi dans son livre, il dit فَإِنَّ شَرِيعَةَ إِذَا كَانَ فِيهَا أَصْلٌ مُتَّرِدٌ فِي أَكْثَرِهَا مُقَرَّرٌ وَاضِحٌ فِي مُعْظَمِهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ الْمَوَاضِعِ فِيهَا مِمَّا يَقْتَدِي ظَاهِرُهُمْ مُخَالَفَةَ مَا اطَّرَدْ فَذَلِكَ مِنَ الْمَعْدُودِ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ الَّتِي يُتَّقَى اتِّبَاعُهَا لأن اتباعها مفد إلى ظهور معارضة بينها بين الأصول المقررة والقواعد المضطردة فإذا اعتمد على الأصول وأرجي أمر النوادر ووكلت إلى عالمها أو ردت إلى أصولها فلا ضرر على المكلف المجتهد ولا التعارض في حقه. Que dans la charia, dans la législation, il y a une base qui est générale et qui s'applique tout le temps, ou la majorité du temps, et qui est claire. Si on a une base comme ceci, c'est-à-dire une base claire qui s'applique tout le temps, et que dans un texte, parmi les textes, on peut comprendre de ce texte-là qu'il contredit cette base-là générale. Il dit ceci est considéré comme al-mutashabih, qu'il convient de craindre, c'est-à-dire qu'il convient ou qu'il convient de ne pas suivre. Parce que le fait de le suivre amène à quoi? Amène à contredire ou à contredire cette base-là qui est clairement établie et qui est continue, qui est tout le temps appliquée dans la sharia. Il dit, à ce moment-là, si on se base sur ces grandes règles-là et qu'on repousse ou qu'on met de côté les choses qui sont ce qu'il appelle un nawadir, c'est-à-dire ces petites choses, ces petits points-là qui vont contredire ces grandes règles-là et qu'on confie ces choses-là à ceux qui les connaissent et qu'on renvoie ces choses-là qui sont ambiguës à leurs grandes règles, à leur base, alors il n'y a aucun mal ou le mukallaf ne peut subir aucun mal. Ça rejoint ce qu'on a dit précédemment. Là, il dit une chose importante aussi. Ça, c'est intéressant dans le munadhara, quand on discute avec le mukhalif, avec quelqu'un qui nous contredit. Il dit وَقَدْ عَلِمَ الْعُلَمَا أَنَّ كُلَّ دَلِيلٍ فِيهِ إِشْتِبَهُ وَإِشْكَالٍ لَيْسَ بِدَلِيلٍ فِي الْحَقِيقَةِ حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. Il dit, et les ulama savent que tout dalil dans lequel il y a une ambiguïté, quelque chose qui n'est pas clair, il dit, ceci n'est pas un dalil en réalité. Jusqu'à que le sens de ce texte-là soit clair et qu'on comprenne ce qui a été voulu par ce texte-là. C'est-à-dire que quand, par exemple, quelqu'un qui vient pour essayer de justifier que quelqu'un qui commet du shirk, qu'il reste sur l'islam parce qu'il est ignorant et qu'il nous ramène ce genre de texte comme Zat Anwat ou autre, celui-là, il vient pas avec un dalil, il vient avec une shubha. Ça s'appelle une shubha, ça s'appelle pas un dalil. Un dalil, c'est quelque chose qui est clair en lui-même. Sinon, c'est pas un dalil. Si c'est quelque chose qui est flou, qu'on peut comprendre de plusieurs manières, etc., ça s'appelle pas un dalil, ça s'appelle une shubha. Donc quelqu'un qui vient avec ça, on lui dit, c'est pas un dalil que t'as, c'est une shubha. Et d'où la règle qui est connue dans l'usul, où les ulama disent, الدليلو إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال. C'est-à-dire le texte, si on peut le comprendre de plusieurs manières, ce qu'ils appellent le muhtamil, lahu ihtimalat, adida. Il peut avoir plusieurs sens, plusieurs compréhensions. Saqata bihi al-istidlal. On ne peut pas l'utiliser comme dalil, ce texte-là. Ce que Zat Anwat, on ne peut pas l'utiliser comme dalil. Le hadith de l'homme qui a demandé à se faire brûler, on ne peut pas l'utiliser comme dalil. De mémoire, l'imam al-Nawawi, dans le charh de Sahih Muslim, il évoque, je ne sais plus combien, 15 ou 20 paroles des ulama sur le sens de ce hadith-là. Qu'est-ce que ce hadith-là il veut dire? Il y a 15 ou 20 paroles. Pareil sur Zat Anwat, Inch'Allah ou Ta'ala, la prochaine fois on rentrera dans la réponse détaillée au hadith. Et on verra que les ulama, ils ont cité plusieurs paroles et que tout le monde n'a pas compris la même chose de ce hadith-là. Ils ne sont pas tous d'accord sur la réalité de ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont demandé dans la réalité. Quand ils ont demandé, Ij'allana Zat Anwat, kama lahum Zat Anwat, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Qu'est-ce qu'ils nous ont voulu dire? Les ulama, ils ne sont pas tous d'accord. Clairement, ça rentre dans le mutashabih. Et celui qui s'attache à ça, et qui délaisse le muhkam de le Coran, du début à la fin du Coran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Celui qui délaisse ce texte-là et qui s'accroche à le mutashabih, il n'y a aucun doute qu'il fait partie des gens du Zayr, qu'Allah Jalla wa'ala il a nommé dans son livre, et au sujet duquel il nous a mis en garde. Alim Shatibi termine, donc ça c'est dans son livre L'Ihtisam. Cette parole-là où il dit que le dalil, ou le texte plutôt, qu'on peut comprendre de plusieurs manières, qui n'est pas clair, il ne s'appelle pas un dalil. Chez les ulama, ils n'appellent pas ça un dalil. Un dalil, il faut que ça soit, qu'il soit clair en lui-même. Ça c'est dans son livre L'Ihtisam, et à la fin de la parole, il dit « لِأَنَّ مُتَّبِعَ الْمُتَشَابِهَةَ مَذْمُمْ فَكَيْفَ يُعْتَدُّ بِالْمُتَشَابِهَاتِ الدَّلِيلَةِ أو يبنى عليها حكم من الأحكام وإذا لم تكن دليلا في نفس الأمر فجعلها دليلا بدعة محدثة. Il dit que parce que celui qui suit al-mutashabihat, donc les ambiguïtés, il est blâmé par Allah Jalla wa Ala. On le voit. فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. Allah Jalla wa Ala dit celui qui suit al-mutashabihat, il est من أهل الزيغ. Les gens de l'égarement. Il dit, comment on peut considérer al-mutashabi comme un dalil? Tu ne peux pas considérer al-mutashabi comme un dalil alors qu'Allah Jalla wa Ala, il a blâmé celui qui suit ça. Il dit, et comment tu peux bâtir un statut, un hukm sur quelque chose comme ça, sur le mutashabi? Comment tu bâtis un hukm sur Zat Anwat, hadith Zat Anwat? Comment tu bâtis un hukm sur celui qui s'est fait brûler? Comment tu bâtis un hukm sur le hadith de Mu'adh ibn Jabal qui s'est prosterné pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment tu bâtis des ahkam sur ces choses-là? Et dit, et si ceci n'est pas un dalil, puisque ça fait partie de l'mutashabih, le fait d'en faire un dalil, ça c'est une bid'a, muhadatha. Ça c'est la bid'a. Donc les gens qu'on connaît bien, qui passent leur temps, mubtadi'a, bid'a kada, bid'a ceci, bid'a cela, les plus grands mubtadi'a, mais en général les plus grands mushrikin, c'est eux qui ramènent donc des mutashabihat, qui s'accrochent qu'à ça et qui délaissent le muhkam du Coran et de la sunna. Et de la même manière des paroles des savants, ceux qui s'accrochent à la parole de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, c'est pour cette raison que nous ne rendons pas mécréant celui qui adore la tombe, qui est celui qui adore la statue qui est sur la tombe de Jilani à cause de son ignorance. Voilà, ils prennent cette parole du shir, et cette parole du shir aussi, elle constitue, avec ces hadiths-là, elle constitue la base de leur argumentation dans ce sujet-là. On va arrêter, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui sur ce sujet-là. C'est un sujet très important. Et on rentrera plus en détail, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois dans le hadith. Et on verra comment les ulama ont compris le hadith. Et on verra aussi comment les ulama qui ont considéré que ce qu'ont demandé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étant du shirk akbar, comment ils ont expliqué que les compagnons n'ont pas mécru en demandant ça. Na'atla wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى صحبه أجمعين.